chasse l'archipel de Magdaleno. Les yeux grands ouverts sur la côte, les îles nous racontent des histoires, les vagues chuchotent des espoirs. Ça m'étonne toujours un peu, les gens surpris par le jeu, des dirigeants au pouvoir doré, des lois pour nous enclaver. Mais on danse malgré tout, le cœur léger sous les coups, les libertés volées, affrontons-les avec fierté. On se bat sous le ciel bleu pour un avenir plus lumineux. Les voix avec fierté.